Dans 13 jours, la fin du monde. Vous pouvez encore expier vos péchés. Pas un chien errant dans les rues, alors que les feuilles s'amassent sur les pare-brises. À travers la brume, la lune est pleine, alors qu'une brise glaciale palait les quelques feuilles sur le seuil de la porte. Mystérieusement, le ciel se couvre. Un homme vêtu de noir, fusil à la main. On se croirait dans un film où le silence englobe le quartier. La pluie se prête au décor, ruisselle sur son visage. À double tour, la porte est close, un coup de crosse dans la ville que tout est joué. Les escaliers crépitent, direction la chambre des parents. Une rafale de balles meurtrit le couple adolescent. Témoin de l'horreur n'a alors pas d'autre choix. Ce soir, le destin l'a voulu autrement. Au sol, un bain de sang, les corps gisants. Ce soir, le destin l'a voulu autrement. Au sol, un bain de sang, les corps gisants. L'âge hostile n'arrange pas les choses. Le tueur à gage vise le jeune homme. La première balle ricoche dans la borne d'incendie. Le malheureux trébuche, la pression de l'eau l'emporte. À cet instant, il pense à l'au-delà. De justesse, il se relève, sueur au front. Il prend son courage à deux mains. Mais demain sera-t-il encore de ce monde pour témoigner de ce drame? Une blessure qui se fermera jamais dans son esprit de nouvel orphelin. De 100 mètres, il passe au-dessus des barbelés. La peur au ventre, multiples contusions sur l'ensemble du corps. Il décide de se battre, trouver le chemin qu'il mènera la vie. Ce soir, le destin l'a voulu autrement. Au sol, un bain de sang, les corps gisants. Ce soir, le destin l'a voulu autrement. Au sol, un bain de sang, les corps gisants. Les balles fusent comme la pluie. Il ne sait plus où donner de la tête. Au loin, il aperçoit une fermette. Il décide de s'y réfugier. Il s'enferme derrière lui, se cache derrière les palots de paille. Ses dernières pensées pour sa mère, son père, abattu froidement par un déséquilibré. Le tueur se réjouit, il décide de mettre le feu. L'adolescent parvient à fuir, saisissant une fourche. Il lève les bras aux cieux, pleure ses parents. Il plante la fourche sur l'agresseur. Progressivement, il se retrouve sur les genoux. Pourquoi ? Saisit le fusil, il le retourne contre lui. Ce soir, le destin l'a voulu autrement. Au sol, un bain de sang, les corps gisants. Ce soir, le destin l'a voulu autrement. Au sol, un bain de sang, les corps gisants. Dans 13 jours, la fin du monde. Vous pouvez encore expier vos péchés.